تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. Que les bénédictions et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que toutes les louanges soient à Allah. Et la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses qui ont été inventées dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah. Et toutes ces choses qui ont été inventées s'appellent des innovations. Et toutes les innovations sont des déviances, et toute déviance mène au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc, nous allons, Inch'Allah, je vais essayer de terminer, Inch'Allah, aujourd'hui, le sujet qu'on voyait sur Sifat al-Munafiqin wa Khatarahum, les attributs des hypocrites et leur danger sur la Ummah. Et on nous avait vu, en fait, la définition du nifaq. On avait vu aussi ce que ça voulait dire dans la législation, fil shar'i et aussi fil lugha. Et juste pour un rappel rapide, inshallah, pour ceux qui n'auraient pas été là, un nifaq fil lugha, comme les ulama du tawhid l'ont expliqué, c'est huwa sarabun fil ard mushtaq, donc un chemin sous terre qui est bifurqué, donc où l'entrée et les sorties sont différentes. C'est-à-dire que c'est comme les ulama ils disent, pour donner une comparaison, c'est nafaq al-jarbu' tanfiqan. Donc le rat, en fait, il creuse un tunnel, comme je disais, même en tunisien, on dit nafaq pour le tunnel. Donc c'est en fait un mot qui est devenu islamique. Nifaq, c'est devenu islamique parce que c'était pas cette définition-là qui était connue du temps des Arabes avant l'islam. C'était connu pour, en fait, les munafiqoun, ce sont ceux qui creusent des tunnels sous la terre. Et c'est devenu une kalima islamique, donc une parole, yani un mot islamique, donc qui en fait indique que l'hypocrite yukhalif qawluhu fi'lih, donc en fait sa parole oppose ce qu'il dit. Ça c'est fait shara dans la législation, c'est-à-dire que l'hypocrite, ce qu'il dit, eh bien oppose en fait ce qu'il fait. Et donc nous avons vu aussi quand est-ce que c'est apparu que parmi les muhajirines, il n'y avait aucun d'eux qui était des hypocrites, car ils ont tout laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont migré avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient en fait dans une position très faible, car comme on disait, celui qui acceptait l'islam, c'était un danger pour lui et pour toute sa famille. Donc, ils ont tout laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis poursuivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est, quand est-ce qu'est apparu l'hypocrisie, c'est apparu, comme on avait dit, à Médine, pour être plus précis, après la bataille de Badr. C'est après la bataille de Badr que Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, qui est le premier hypocrite dans l'histoire de l'islam, a montré l'hypocrisie. Avant la bataille de Badr, il pensait en fait virer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine, car il était jaloux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu à Médine, parce qu'en fait il y avait deux tribus parmi les juifs et Ahl al-Kitab, les gens du livre, qui était l'Aus ou l'Khazraj, qui voulait en fait faire réunir ces deux tribus-là et faire leur roi Abdallah ibn Ubay ibn Saloul. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont accepté l'islam, il n'y avait plus au lieu du jour de le faire roi, donc il a senti une jalousie. Et donc il essayait en fait d'expulser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans après Ghazwat al-Badr, après la bataille de Badr, c'est là où ce qu'il a montré l'islam en apparence et caché le kofr. Et donc c'est ça le nifaq al-akbar. Parce que comme on avait dit, il y a deux types d'hypocrisie. nifaq i'tiqadi wa nifaq amali. Une hypocrisie qui est dans la croyance, c'est-à-dire que la personne au fond d'elle est douce sur l'islam, sur les vérités de l'islam, elle n'est pas sûre, elle ne croit pas vraiment. Mais elle montre l'islam, pourquoi? Parce qu'elle est entourée de musulmans, et les musulmans ils ont certains pouvoirs dans le lieu où est-ce qu'elle est. Ça c'est le nifaq al-i'tiqadi, c'est le nifaq al-akbar, celui qui exclut de l'islam. Si la personne meurt sur ce type d'hypocrisie, eh bien elle reste en enfer pour l'éternité, mais pire encore, qu'Allah nous en préserve, amin, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit fi surat an-nisa innal munafiqin fi ad-dark al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont au plus bas niveau de l'enfer, sous les kuffars et les mouchriquins. Ils auront le plus dur des châtiments. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un danger beaucoup plus énorme que les kuffars eux-mêmes. Parce que les kuffars, leur animosité envers l'islam, elle est connue. Mais l'hypocrite, il est de l'intérieur pour détruire l'islam de l'intérieur. Et donc, ils auront un plus dur châtiment. Et le deuxième type de nifaq, c'est le nifaq al-amali, qu'on va aussi parler aujourd'hui, inshallah. C'est l'hypocrisie dans les actions. Ce type de nifaq, en fait, n'exclut pas de l'islam, mais fait partie des péchés majeurs. C'est-à-dire, si une personne meurt sans s'être repentie de cela, eh bien, elle tombe taht al-mashi'a, c'est-à-dire sous le souhait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut lui pardonner par sa miséricorde, il lui pardonne. Et si Allah veut la châtier par sa justice, il la châtiera. Et il la châtiera selon le degré de ce péché. Donc c'était les points que nous avons vus. Et on va continuer, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc au début de Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala place dans 4 versets les attributs des croyants. Donc avec le verset 2, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Le Coran, c'est un guide pour les pieux. Qui croient à l'invisible, accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, ce qui t'a été révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ces 4 versets-là exposent en général les attributs des croyants. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la future. Puis Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les attributs en global, en général, des hypocrites dans les 2 versets qui suivent. Mais certes, les infidèles, les mécréants ne croient pas. Cela leur est égal, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Donc, dans les sourates al-Madaniyah, on avait vu en fait que les attributs des hypocrites, certains des attributs des hypocrites ont été révélés, pas dans les sourates al-Makkiyah, ceux qui ont été révélés à la Mecque, mais dans les sourates qui ont été révélés à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les attributs des hypocrites, et lorsqu'on va voir le nombre en fait, de versets, le nombre de sourates qu'il y a dedans, dans ce qui concerne la description, eh bien, ceci indique qu'il est très difficile en fait de savoir qui est touché d'une hypocrisie majeure. Qu'Allah nous en préserve. Et on avait dit aussi que ça, c'était une maladie qui était très grave. Une personne, elle peut être touchée par cela et ne s'en rend pas compte. Mais nous avons insisté sur un point que seul un croyant, un vrai croyant, eh bien, lui, il aura toujours peur d'être touché par l'hypocrisie. On avait donné l'exemple de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. C'est pour ça que, comme l'imam ibn Qayyim, rahimahullah, a écrit « An-nifaq amran khafiyan » L'hypocrisie est un état qui est caché. « Yukhfa ala kathirin min an-nas » Il est caché pour de nombreuses personnes. « Wa kathiran ma yukhfa ala man talabbasa bih » Mais il est encore plus caché pour celui qui est déjà un hypocrite. C'est-à-dire celui qui est atteint de cette hypocrisie majeure, pour lui c'est totalement caché. Il n'est même pas au courant qu'il est en fait un hypocrite. Il y a ce qui vit et tout ça. Alors qu'un croyant, c'est aussi caché pour lui. Mais lui, il aura toujours peur de tomber dans ça. Il ne se sentira jamais qu'il est en sécurité. C'est comme l'imam Ahmed, rahimahullah, qui disait que le seul temps où est-ce qu'il pourra se sentir tranquille et relax, lorsqu'il aura les deux pieds au paradis. Pas lorsqu'il aura qu'un seul. Lorsqu'il aura les deux pieds au paradis, waqta, il pourra se sentir tranquille. Subhanallah. Et on avait vu que, yani, subhanallah, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont combattu Ghazwat Badr, la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné. Quoi qu'ils fassent après, Allah il leur pardonne. Malgré ça, ils craignaient l'hypocrisie. Et on avait dit qu'il y avait un tabi'i qui avait dit que j'ai rencontré 30 des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait dit un tabi'i, celui qui a vu les compagnons mais qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rencontré 30 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous craignaient sur eux l'hypocrisie. Tous ils craignaient qu'ils étaient atteints d'hypocrisie. Donc, dans les sourates qui ont été révélées à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les attributs des hypocrites. Il y a dans sourate al-Baqara, sourate al-Imran, al-Nisa, al-Ma'ida, al-Anfal, al-Tawba, al-Hajj, al-Nur, al-Ankabut, al-Ahzab, al-Fath, sourate al-Qatl, aussi appelée Muhammad, al-Hadid, al-Mujadala, al-Munafiqoun, al-Tahrim. Donc, dans toutes ces sourates, Allah subhanahu wa ta'ala a exposé les hypocrites et leurs plans et leurs attributs. Donc, on sait qu'il y a 30 sourates qui ont été révélées à Médine. Sur les 30 sourates qui ont été révélées à Médine, 17 contiennent les attributs des hypocrites. Pour montrer, subhanallah, la mise en garde contre ça. Et sur ces 17 sourates, il y a 17 sourates sur 30. Et ça constitue en fait 340 versets qui parlent sur les hypocrites ou leurs attributs ou leurs plans. Et ce nombre, en fait, ce qu'on a vu, en fait, c'est que ces nombres nous prouvent en fait le danger des hypocrites au sein des rangs des musulmans. Et le danger pour celui qui atteint ça. Qu'Allah nous en préserve, Amin. Depuis le premier jour, les mouchriquines qui ont refusé l'islam ont marqué leur position face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les croyants qui ont accepté l'islam ont aussi leur position avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les hypocrites, la ilaha ula wa la ilaha ula, ils ne sont ni avec cela ni avec cela. S'ils sont avec les mouchriquines, venez. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Et lorsqu'ils sont avec ceux qui croient, yani avec les croyants, les musulmans, ils disent, nous croyons, nous sommes avec vous. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam, alhamdoulilah. Comment on disait les bonnes paroles, le bon dhikr et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est entre frères et tout. Famille. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَاكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Et lorsqu'ils sont seuls avec leur diable, ou avec les gens qui sont mauvais ou quoi que ce soit, ils disent, en fait, nous sommes avec vous. On était juste moqueurs. Yani, ils ne nous considéraient pas, il ne faut pas que nous considérions avec eux, on se moquait d'eux. Et lorsqu'ils sont avec les autres, ah oui, oui, esprit, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, la ilaha ula, la ilaha ula. Ils ne sont ni d'ici ni de là. Ils sont entre les deux. Et c'est pour ça qu'ils ne sont jamais stables. Un munafiq, lui-même, il n'est jamais stable dans lui-même. Il n'a pas la paisibilité dans son cœur. T'as C'est-à-dire que lorsqu'il sait qu'il est testé par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne s'en remet pas directement à Allah parce que pour lui, en fait, au fond de lui, il ne croit pas. De ce que je suis en train de parler pour le moment, c'est l'hypocrisie majeure, hein, celle qui exclut de l'islam. Je ne parle pas encore de l'hypocrisie mineure. Et donc, ce qu'il y a, c'est que cette personne-là, elle est perturbée, elle n'est jamais stable, elle ne sent pas la tranquillité. Parce qu'au fond d'elle, elle ne croit pas. Et la tranquillité et la paisibilité, on dit la paisibilité, ou le fait d'être paisible, on l'a comment? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Comment être tranquille, avoir la conscience tranquille avec Allah subhanahu wa ta'ala? Dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui croient ont la croyance correcte, comme celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et qui ne mélangent pas leur croyance avec n'importe quelle injustice, eh bien ceux-là auront la paix et la sécurité dans cette vie-là et dans l'au-delà. C'est pour ça que les compagnons, les sahaba radhiyallahu anhum ajma'in, sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre l'injustice. Ils pensaient que si par exemple on a été injuste avec un frère ou quoi que ce soit, Donc ça risque, ils risquent d'être en danger. Il dit non, ici, l'injustice, dhulm, c'est le shirk, billah, shirk al-akbar. L'injustice, c'est celui qui, parce que c'est la plus grosse des injustices, inna shirk ala dhulmun adim, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Luqman. Le polythéisme, invoquer autre qu'Allah, adorer autre qu'Allah, placer sa confiance en autre qu'Allah, aimer quelque chose comme on devrait aimer Allah, ou craindre les gens comme on devrait craindre Allah, tout ça, ça fait partie du shirk al-akbar qui expulse la personne de l'islam. Si elle meurt sur ça, elle reste en enfer pour l'éternité. A'oudou billah. Et donc, ce qu'il y a, c'est que la personne qui croit qu'à la correcte croyance est musulmane, alhamdoulilah, elle s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, elle aura la sécurité et la paix dans cette vie-là et dans l'au-delà. Alhamdoulilah. Un mal hypocrite? Non. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas cette croyance-là. Il n'a pas cette croyance-là. Il mécroit en certains trucs, comme on disait, azab al-qabr, comme je disais avec quelqu'un qui disait, t'es sûr qu'il y aura quelqu'un, il y aura quelque chose dans la tombe. A'oudou billah. Mais toutes ces pensées-là, c'est dû à quoi? Toutes ces pensées-là, c'est dû, tu penses que vraiment, une personne qui lit le Coran, et qui lit les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui fait du zikr, qui accoutume sa langue au zikr, vous pensez que celle-là va tomber dans ces doutes-là? Non, c'est pas possible si elle est sincère envers Allah. Mais quelles sont les personnes qui tombent dans ça? Eh bien, des personnes qui vont laisser le Coran et la Sunna et lire les livres des philosophes. Voilà. Moi, je m'en souviens avoir rencontré une personne qui... Cette personne-là avait au niveau de son bureau des... elle disait, t'es musulmane. Et cette personne mettait des... Comment ça s'appelle? Des citations de philosophes. Citations de philosophes, c'était rempli tout le mur et tout ça. Différentes citations et tout ça. Et le truc. Et il n'y avait pas, par exemple, des versets du Coran ou des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont bénéfiques. Parce que les philosophes, ils ont leur pensée. Ils poussent même les gens à douter à ce qu'il y a un créateur. Subhanallah. Et puis, ils restent à philosopher et tout ça et tout ça. Et ça, c'est la déviance. C'est pour ça qu'une personne qui se laisse influencer par là, par ça, eh bien... Voilà, elle ne fait pas attention, elle ne se met pas en garde contre cela, donc rien ne peut l'arrêter, et qu'Allah nous en préserve, et qu'Allah nous guide tous, amin, ajma'in, Allahumma ahdina fiman hadayta, amin. Donc, on avait dit que l'hypocrite, il n'est jamais serein dans son cœur, il n'est jamais stable, et il ne saute aucun des deux parties. El nifaq al-i'tiqadi, l'hypocrisie dans la croyance, qui est le nifaq al-akbar, parce qu'on avait dit que, Cheikh l'Islam ben Taymiyyah, rahimahullah, avait dit que al-nifaq kal-kufr. L'hypocrisie, c'est comme la mécréance. Parce qu'on avait dit qu'il y a cinq types de kufr. Vous vous souvenez? Kufr takzib, yani la mécréance, c'est cinq types qui excluent l'islam. C'est par exemple, traiter de mensonge, par exemple, les versets d'Allah ou les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Kufr takzib. Kufr istikbar wa ibam at-tasdiq. C'est-à-dire que, ça c'est la, par exemple, tu rapportes une vérité à quelqu'un, tu l'invites, par exemple à l'islam, mais la personne est arrogante. Donc ça c'est ça l'istikbar, c'est qu'elle devient arrogante. Elle refuse d'accepter de toi. Parce que comparé à elle, t'es rien. Ça veut dire. L'autre c'est je suis ingénieur et puis toi t'es rien. Donc je peux pas prendre de toi. Tu comprends? Donc ça c'est l'arrogance. Ouais, ibe ma tasdir, ibe c'est yeb, c'est il refuse. Ma tasdir c'est quoi? C'est qu'en fait, au fond de lui, il sait que tu dis la vérité. Il sait que tu n'es pas en train de mentir. Il sait que ce que tu dis, c'est vrai. Mais, parce qu'il ne veut pas se mettre à ton niveau, il ne veut pas se dire, moi je ne peux pas accepter de lui, ou de quoi que ce soit, ou quoi que ce soit. Donc il va devenir arrogant. Il va refuser la vérité, alors qu'il sait qu'au fond de lui, tu as raison. Et bien ça, c'est de la mécréance qui aussi exclut l'islam. Kufr shakkin, c'est en fait la mécréance dans la personne qui va douter sur une vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Comme on disait que la personne qui va douter qu'il y a un adab al-qabr, ou qui va douter qu'il y a un jour du jugement dernier, ou qui va douter qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, tu vois. Donc kufr shakkin, kufr takzib, kufr istikbar wa iba ma tasdiq, kufr i'rad, c'est le fait de se détourner de la vérité, très clairement. La personne t'apporte une vérité, tu te détournes. Tu dis, je ne veux pas écouter ça. Ou bien, je vais dire, que tu dises vrai ou que tu dises faux, ça m'est égal. Hein? Donc elle ne veut pas rechercher en fait. Et le dernier, c'est kufr nifaq. Kufr nifaq. Et c'est pour ça que lorsque les ulémas du tawhid disent nifaq kal kufr, L'hypocrisie, c'est comme le kofr. Pourquoi? Parce que il y a un kofr, yani mukhrijun min al-milla, qui exclut la personne de l'islam, et il y a l'autre type de kofr qui est kofr dura kofr. C'est une mécréance mais qui n'exclut pas de l'islam. Comme par exemple tuer un musulman. Ça, c'est une mécréance mais qui n'exclut pas de l'islam. Et le nifaq, c'est pareil. Nifaq akbar ou nifaq asghar. Il y a une hypocrisie majeure ou une hypocrisie mineure. Et l'hypocrisie majeure, c'est nifaq i'tiqadi. C'est l'hypocrisie dans la croyance. Comme on disait, elle ne croit pas au fond d'elle, mais elle montre l'islam. Et nifaq asghar ou aussi nifaq amali. C'est l'hypocrisie, en fait, dans les actions. Donc, en fait, dans le nifaq al-i'tiqad, il se peut que l'hypocrite croit en Allah. Mais il ne voit pas, en fait, l'obligation d'obéir à Allah ou de suivre le prophète. Il va dire, moi, je crois en Allah. Mais il ne voit pas pourquoi il devrait obéir à Allah. Il croit, oui, il croit qu'Allah existe, mais je ne vois pas pourquoi je lui obéirai. Je ne vois pas pourquoi je suivrai le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie du nifaq al-i'tiqadi. Il se peut aussi qu'il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des gens. Et comme il y a des historiens qui écrivent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parmi les personnes de l'histoire, yani, qui ont marqué l'histoire, parmi les meilleures des personnes, mais cette personne-là refuse de le suivre. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de ce type d'hypocrisie dans la croyance. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, verset 140, Allahu jami'u al-munafiqina wal-kafirina fi nari jahannama jami'a. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Et ce qui est intéressant ici, c'est lorsqu'on va voir maintenant dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, qui a dit à propos de ce verset, il a dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, comme les hypocrites ont associé les mécréants dans leur mécréance dans cette vie d'ici-bas, eh bien Allah les associera dans le feu de l'enfer, dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala expose les hypocrites sur le fait qu'ils ont la foi en Allah, yani qu'ils ont l'iman billah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Allah les a exposés. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 8, parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier. Donc ils veulent faire croire à ça. Ils veulent faire croire aux gens que nous croyons en Allah et au jour dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a exposés, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Et la destinée des hypocrites est le plus bas niveau de l'enfer, comme on avait dit, innal munafiqin fi d-dark al-asfali min an-nar, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur ceux qui sont morts en tant qu'hypocrites, avec l'hypocrisie, yani nifaq al-akbar, nifaq al-i'tiqadi, l'hypocrisie majeure, ceux qui sont morts sur ça, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'ils prient sur eux. Et ça, c'est le fait que si une personne était comme ça et est morte sans s'être repentie. C'est-à-dire lorsque hier, même dès qu'hier, je parlais de une personne qui faisait un péché majeur et qui ne s'est pas repenti avant sa mort. Il y avait un truc que j'avais oublié de mentionner, c'est que la personne, dans la repentance, elle doit être sincère dans la repentance, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle regrette ce qu'elle a fait et elle ne revient pas à ce qu'elle a fait avant. Elle déteste retourner dans ce qu'elle a fait. Si elle est sincère et elle ne revient pas à ce qu'elle faisait, c'est un signe qu'Allah a accepté sa repentance. Et cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala, accepte la repentance de tout le monde. Il y a juste deux temps où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte plus la repentance. Lorsqu'une personne est en train de mourir, vous savez, elle sent que ça y est. Et elle dit c'est bon, toute l'élève. Et elle commence à faire la chaîne. Ça, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Parce que tu avais toute la vie et tu as laissé passer cette occasion-là. C'est comme Pharaon. Lorsqu'il a vu le haqq devant lui, subhanallah, il a vu ce signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la mer qui s'ouvre en deux, et qui devient un passage pour Moussa alayhi salam et son peuple, les enfants d'Israël, et qui sont passés par là, et puis malgré ça, il les a poursuivis, il voulait encore. Et dès qu'après, il a senti que ça y est, c'était la fin, il dit, c'est bon, je crois au Dieu que croyaient les enfants d'Israël. Par son arrogance, tout ça pour ne pas dire, je crois en Allah. Subhanallah. Même à la fin de sa mort, il était arrogant. Subhanallah. Et le deuxième temps, où est-ce que la repentance n'est pas acceptée, c'est lorsque le soleil se lèvera de l'ouest. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans les hadiths qui sont authentiques que l'heure arrivera à la shirar al-khalq, sur les plus mauvais des gens. Jusqu'à que sur terre, on n'entendra même plus Allah, Allah. Et bien lorsque l'heure viendra et les gens verront que le soleil se lève de l'ouest, tout le monde va croire. Ça y est, tout le monde va croire. Mais leur croyance ne sera pas acceptée à cet instant-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur ceux qui sont morts avec l'hypocrisie majeure, qui ne se sont pas repentis sincèrement et qui ont regretté, tu vois. Parce que même pour eux, ça peut être encore plus caché. Et donc ils voulaient malgré ça continuer à combattre l'islam. Ils sont morts comme ça. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Tawbah verset 84, et ne prie jamais sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Et la perversité ici, j'ai oublié de mentionner que ce qu'on avait vu hier, c'est qu'il y a deux types de fisq. Il y a aussi fisq akbar ou fisq asghar. Fisq akbar, la perversité qui est majeure, celle-là exclut de l'islam, et fisq asghar, celle-là n'exclut pas de l'islam et fait partie des péchés majeurs. Ibn Kathir rahimahullah a dit, Allah a ordonné à son messager de se dissocier des hypocrites et qu'il ne prie pas sur aucun d'eux s'ils sont morts et qu'ils ne se tiennent pas devant leur tombe pour implorer le pardon d'Allah. Car ils ont mécru en Allah et en son messager, ils sont morts sur cela. Et ce jugement, après qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ce jugement est global et concerne tous ceux pour qui leur hypocrisie a été connue et ceci jusqu'à la fin des temps. Et ceci jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que ceux qui ont été reconnus comme étant, qui ont été reconnus comme étant des hypocrites ayant une hypocrisie majeure, et s'ils meurent, il est interdit donc de les laver, de prier sur eux et de demander pardon pour Allah pour eux. L'imam Bukhari rapporte dans son Sahih, selon Abdallah ibn Omar, radiallahu anhu, quand Abdallah ibn Ubay ibn Salul, le cheikh des hypocrites, décéda lorsqu'il est mort. Abdallah ibn Ubay ibn Salul. Celui-ci, c'est son fils. Donc, Abdallah ibn Ubay ibn Salul, c'est le shirk des hypocrites. Et son fils, il a un fils qui s'appelle Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay ibn Salul. Donc, son fils Abdallah, il faisait partie parmi les plus sincères compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque son père, il est mort, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne son qamis pour envelopper son père. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna. Et il revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour prier sur lui. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu est venu, saisit le vêtement, comme pour l'arrêter, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, vas-tu prier sur lui, ô messager d'Allah, alors qu'Allah te l'a interdit? Car c'est un hypocrite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors le verset, et ne prie jamais sur l'un d'entre eux, qui meurt et ne te tient pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, ils sont morts tout en étant pervers. Et donc Ibn Hajar, rahimahullah, a dit, Ibn Hajar al-Asqalani, qui était connu pour Amir al-Mu'minin fil Hadith, le commandeur des croyants fil Hadith, c'est un savant du Hadith. Lorsqu'Allah a révélé ce verset, en fait, il a dévoilé les hypocrites. Et ceci prouve qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Et l'imam Ahmed rapporte d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que Omar, radiallahu anhu, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a plus prié après Abdallah ibn Ubay sur un hypocrite, ni s'est tenu debout auprès de leur tombe, et ce jusqu'à sa mort. Donc après que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus prié sur ceux qui sont morts avec l'hypocrisie majeure. Car on avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait certains, selon la façon comment ils parlent et selon leurs attributs. Il avait découvert certains qui étaient atteints d'hypocrisie majeure. Mais refusé de les combattre par crainte que les gens de la Mecque disent « Eh bien, Mohammed est en train de combattre ses compagnons. » Donc, il refusait de les combattre. Mais il avait donné une liste à Hudhayfa, radiallahu anhu, qui, sahab al-sir, comme il est connu, qu'il n'y avait que lui qui connaissait en fait les hypocrites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a désignés. Et Tirmidhi, rahimahullah, a aussi rapporté ce hadith, selon al-Zuhri, disant que ce hadith est Hassan Sahih. Et il y a certains de notre temps qui ont emprunté le chemin de Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, ça veut dire l'hypocrisie dans la croyance. Parmi eux, une secte appelée le Batiniyoun, les Rawafid, qui correspondent en fait aux Shia, ils cachent en fait quelque chose et montrent autre chose. Par exemple, les Rawafid ils disent qu'il y a un autre Coran qui va être apporté par leur Mahdi. Et que, même dans leurs livres, ils disent que le Coran que l'on tient aujourd'hui, Femni, eh bien ne contient même pas un seul verset du vrai Coran, une seule lettre, ils disent. Et ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment plus précisément Abu Bakr et Omar. Ils disent que Omar, radiallahu anhu, il est au plus bas niveau de l'enfer. Au-dessus de lui, il y a Abu Bakr et au-dessus de lui, il y a Iblis. Et bien sûr, ils traitent la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha. Notamment, qu'est-ce qu'ils font c'est-à-dire qu'ils prennent une brebis qui est vivante. Hein. Ils écrivent dessus Aïcha avec de la peinture. Et ils viennent tous sur elle et lui arrachent le souffle, la laine de la brebis pendant qu'elle est vivante, pour en fait la torturer. Donc, subhanallah. Mais le problème c'est quoi? C'est que lorsque on rencontre ces gens-là, et que l'on veut parler avec eux, ou bien leur donner une nasiha, eh bien ils vont te dire, non en fait, moi je crois comme toi tu crois. On est pareil, il n'y a pas de différence. Même dès que j'étais en Écosse, il y en avait qui venaient, ils priaient avec nous. Ils priaient avec nous. Ça s'appelle At-Taqiyya. Il y a certains, parmi ceux qui font de la da'wah, ils font une erreur en fait dans la prononciation de ce mot. C'est pas Taqiyya, c'est Taqiyya. Et la Taqiyya, c'est quoi? C'est en fait, eux, ils pensent que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus avec quoi? Avec la Taqiyya. C'est-à-dire que c'est en fait un mensonge. C'est-à-dire ils te mentent à toi. On est pareil, ce que tu crois, non, je respecte les compagnons, il n'y a pas de problème, tout ça, il n'y a pas de problème. Yanni va dire que je suis avec toi, Hamni. Puis, lorsqu'il est avec leur groupe, ils disent, mais bien sûr, et puis, tac, ils se mettent à insulter les compagnons, ils se mettent à insulter la mère des croyants, ils se mettent à dire que, voilà, on tient sur rien. Parce que, je me souviens très bien, il venait prier avec nous, et après, il recommençait sa prière. Pourquoi il recommençait sa prière? Parce qu'en fait, ils ont dans leur croyance que la prière n'est pas valide derrière n'importe quel imam, seulement derrière celui qui est ma'soum, yani qui l'est après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire que même s'ils viennent en groupe, s'ils viennent 4 ou 5, un coup ils étaient venus comme ça, j'étais en train de parler avec un frère là-bas, et il y en avait 5 qui étaient rentrés. Et ils n'ont pas prié en groupe, chacun priait séparément. Pourquoi? Parce que chacun doute que l'autre, c'est un pervers, c'est un fornicateur et c'est un compas. Donc ils se disent non, il n'est pas. Et donc ce qu'il y a, c'est que c'est ce qu'ils utilisent. Et ils utilisent en fait, c'est qu'ils vont cacher la mécréance et ils vont te montrer, ah non, on est comme toi. On est comme toi et tout ça. Subhanallah. Il y en avait même un, je lui avais posé une question très simple. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fi surat al-Ahzab, que les femmes des prophètes, ce sont les mères des croyants. Considères-tu Aïcha radiallahu anhu comme ta mère, radiallahu anhu comme ta mère? Il a refusé de répondre. Il m'a dit, c'est une question trop difficile. Subhanallah. Allah al-Musta'an. Et ils ont aussi dans leur croyance que, parce qu'ils croient qu'il y a 12 imams, et en fait qu'ils ont le contrôle de tous les atomes de l'univers, et qu'ils connaissent l'invisible et qu'ils sont mieux que les prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a même qui croient, parce qu'après il y a différentes sectes dans tout ça, il y en a même qui croient en la divinité de Ali ibn Abi Talib, qui s'appelle l'Alawiyin. Il y en a beaucoup fichés. Donc, ils pensent qu'en fait, fihi juz'un ilahi. Il y a une partie de divinité. Il y en a même qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala, il est rentré dans Ali, pour que Ali commande et tout. Et donc ce qu'il y a, c'est que ils rendent certaines choses qui sont halal, ils rendent haram. Et certaines choses qui sont haram, ils rendent halal. Comme par exemple, zawaj al-muta'a. C'est-à-dire qu'ils se permettent que s'ils vont voyager dans un endroit, ils peuvent se marier avec une femme pendant la période de temps. Par exemple, s'ils voyagent une semaine, je ne sais pas moi, ils sont partis en Allemagne, je ne sais pas quoi. Ils peuvent pendant une semaine être mariés avec telle ou telle femme, puis après la divorcer. Mais ce qu'il faut savoir, si une personne fait un contrat de mariage avec l'intention de divorcer, eh bien ceci annule le contrat de mariage. Si une personne elle a l'intention de divorcer, elle se dit, ouais, peut-être que dans 4 ans je vais divorcer, ça annule son mariage. Après ça devient du zina, ça devient de la fornication, c'est haram. Mais eux, ce qu'il y a, c'est qu'ils se permettent de, même pour une période déterminée, de faire ce genre de truc-là. Mais malgré cela, ils vont cacher tout cela, parce qu'ils savent que la meilleure chose qu'ils peuvent se rapprocher d'Allah, sur l'intérieur, c'est la taqiyya. Mentir à ceux qui disent, oh non, nous aussi, nous sommes musulmans, nous sommes comme vous, on croit comme vous. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je respecte tous les compagnons. Yanni, parce que dès que tu étudies un peu sur eux, subhanallah, et tu lis, yani ils ont même, comment ça s'appelle, le livre qui a été écrit par Al-Khumayni, subhanallah, tu lis ce livre, ton cœur il devient noir. A'udhu billah. Avec une haine énorme envers Abu Bakr Omar, radiallahu anhu. Une haine énorme. Tu peux même pas imaginer le niveau de haine qu'il y a dedans, subhanallah. Et malgré cela, si tu parles avec eux, j'en ai parlé avec certains, yani comme s'il n'y avait rien. Non, pareil, on croit comme toi. Pas de problème. Et c'est ça, en fait, ça, c'est... Il cache la mécréance et il montre la foi. Il y a aussi, parmi certains qui sont ignorants, égarés sur cela, qui s'allient avec tout ce qui est les trucs, qui veulent rentrer dans les politiques, les partis politiques et tout cela. Mais comme les ulama disent, la politique en religion est de délaisser la politique. Pourquoi tu veux rentrer dans ça? Pourquoi tu veux commencer à débattre et tout ça et tout ça? Mais malgré ça, il y en a qui vont rentrer dans les partis communistes. Il y a quelqu'un qui ne croit pas que Lénine et Marx étaient des kofars. Il n'y a pas un musulman qui s'est pas fait. Oui, tout le monde sait que, subhanallah, il renie l'existence d'Allah même. Subhanallah. Sois maître de ton destin. Qu'ils disent, subhanallah, maître de ton destin. C'est-à-dire que tu ne t'en remets plus à Allah. Que des gens qui sont au sein d'une dernière de quelque part et puis qui se mettent à faire leurs propres choses selon leur expérience et tout ça pour couper les relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce qu'il y a, c'est que il y a un point important ici à souligner. C'est pas parce que on voit certains qui sont musulmans qui rentrent dans ces genres de trucs là qu'on va les taxer de kofar, parce qu'il y a des conditions. Peut-être que c'est un ignorant qui sait pas, juste tu vois comme ça il, tu vois. Parce que les conditions du kofr, c'est quoi? C'est tawafur al-shurut, intifa al-mawana' wa iqamat al-hujja. C'est-à-dire que tawafur al-shurut, c'est que toutes les conditions doivent être réunies pour donner tel jugement de kofr. Et ça en revient aux ahl al-ilm qui font ça. Intifa al-mawana', on voit qu'est-ce qui peut empêcher telle personne d'agir sur la vérité. Peut-être que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rufi' al-qalam ala thalatha. La plume est levée sur trois types de personnes. L'enfant, jusqu'à ce qu'il atteint la puberté. La personne qui dort, jusqu'à ce qu'elle se lève. Et la personne qui a perdu sa raison, jusqu'à ce que la raison lui revienne. Donc peut-être qu'elle a un problème parmi ces trois-là. Peut-être que, et donc, que la personne doit lui ramener les preuves du Coran et de la Sunna authentique. Parce que peut-être qu'elle ne connaît pas les preuves. Peut-être qu'elle agit comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être prudent avec ça. Et ne pas taxer comme ça le premier venu, tac, kefir, parce que ça fait partie d'une autre secte appelée takfiriyin. En fait, ils kafrou fil kabayr, c'est-à-dire qu'ils rendent mécréants s'ils voient un musulman faire un péché majeur. C'est-à-dire que si une personne a menti, ça y est, c'est un kefir, mécréant sorti de l'islam. Mais ça, c'est pas correct, ça fait pas partie, il y en a de ahl sunnah ou jama'a, parce qu'il faut appliquer ces conditions-là, et ce sont les ahl al-ilm parmi les ulama, qui peuvent faire ce jugement, inshallah. Et ce qui est important pour tout musulman, parce que ça me faisait penser dès que je parlais avec un frère la dernière fois, Ouais, il se passe ça, le monde et tout ça. Il reste à parler sur la politique et tout ça et tout ça. Moi, ça me casse un peu la tête de parler sur ça. Fabni. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. Wallah el-Azim. Il y en a certains qui vont connaître le nom de premier ministre de tous les pays. Qui ne connaissent même pas le nom complet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a certains qui connaissent les articles tant de temps de temps de temps. Fabni. Et qui ne connaissent même pas le sens de la ilaha illallah. Qui ne connaissent même pas les conditions de la ilaha illallah, qui ne connaissent pas le sens de anna Muhammad Rasulullah et les conditions, la définition de l'islam, les piliers, la définition, les conditions. Il y en a des choses que tout musulman se doit de savoir. C'est pour ça que, au lieu de mettre un il perd son temps sur ça, la personne doit tout le temps, c'est ce que je répète tout le temps, c'est ce que je me rappelle souvent, Inch'Allah, moi en premier, et puis aux frères et aux sœurs, Inch'Allah. C'est qu'on doit penser tout d'abord à se corriger notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on sera dans la tombe et que les gens mettent le sable sur nous et nous oublient, ils vont pleurer sur nous 2 minutes. Et après, ils vont nous oublier. Vous savez? Eh bien, toi, tu vas rester avec qu'est-ce que tu as fait de sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne seras pas questionné c'est qui le premier ministre de Russie ou le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas quoi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné des choses, interdit des choses, nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu as fait dans ça? C'est la question qu'on doit se poser et qu'on doit se remettre en question à chaque fois. Parmi les fitna qui peuvent atteindre une personne, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse oublier ses péchés. Pourquoi? Parce qu'une personne qui oublie ses péchés ne pourra pas se repentir. Et ça, c'est une fitna. Alors qu'une personne, si le soir elle se fait les comptes, j'ai dit ça, j'aurais pas dû, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'augmenter ma balance en tant que khayr? C'est ça le plus important que la personne elle doit. Parce que la vie elle est courte, chaque jour qui passe, c'est un pas de plus vers ta tombe, et un jour en moins dans ta vie. C'est une vérité, donc ce qu'il y a, c'est que premièrement, il faut être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait. Et faire le plus de bonnes actions qui plaisent à Allah. Subhanallah. Il n'y a rien qui est minimum. Il n'y a rien qui est pas important. Comme je disais, on ne dit jamais quelque chose dans la religion qui n'est pas important. Tout ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala du haut de ses 7 cieux, c'est important. Mais on dit que il y a des choses plus importantes que d'autres. On dit comme ça, mais on ne dit pas que ce n'est pas important. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que, par exemple, tu croises un frère, juste un sourire, c'est une sadaqa. Ça veut dire quoi une sadaqa? Ça veut dire que c'est une bonne action dans ta balance. Tu rentres dans une mosquée, tu dis salam alaykoum. Tu reçois plus de ajr que la personne qui te répond. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que concurrencez-vous dans le bien. Tu vois? Mais il y en a parmi les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Subhanallah. Parce qu'ils appliquaient complètement la sunna. Ils savaient que dire en premier le salam, eh bien, tu avais plus de récompense que celui qui te le rend. Eh bien, certains laissaient leurs frères dire salam alaykoum. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre hadith, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne serez véritablement croyants que lorsque vous aimerez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et donc il voulait en fait que son frère ait plus de hasana. Subhanallah. Aujourd'hui, parfois, tu rentres dans une mosquée, tu dis salam alaykoum. Donc, comme je disais, dès que j'étais là-bas en Écosse, tu rentres dans la mosquée, tu dis salam alaykoum, les gens ne répondent pas, ou bien ils disent alaykoum. Comme si qu'ils parlaient à un kafir. Tu vois, alaykoum. Tu vois, c'est subhanallah. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est que c'est pour ça, dès que je disais aussi qu'un musulman, eh bien, c'est une responsabilité énorme. Parce qu'il fait en sorte que l'environnement dans lequel il vit, eh bien, soit meilleur. Subhanallah. Un musulman, ce n'est pas là pour faire de la fitna ou des problèmes. Vous savez? Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, sur surat al-Anbiya, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour toute l'humanité. C'est-à-dire que les personnes qu'on voit et tout ça, toi, t'aimerais bien qu'il fasse partie des gens du paradis. Subhanallah. Mais normalement, un musulman, il doit penser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit apprendre sa religion. Donc, comme ça, il peut les inviter. Mais s'il ne sait rien, il ne peut rien faire. Et après, il reste juste dans sa dunya, comme on disait hier. Voilà, travail, famille, maison, le clerc, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il reste à se durcir le cœur. Après, même un verset, ça lui fait rien. Tu vois, qu'Allah nous en préserve. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala dit... يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه en sourate al-baqara. Ô vous qui croyez, entrez dans l'islam complètement, totalement. Et ça, c'est pas on va rentrer, on va prendre ce qu'on aime bien dans l'islam et on va fermer les yeux sur ce qu'on préfère pas. Mais ce qu'il y a, c'est que la personne doit tout prendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi de suivre sa guidée apparente aussi. Donc si on trouve quelqu'un qui se moque de la guidée apparente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça c'est une énorme erreur. Énorme. Parce que parfois, vous entendez dans certains pays qui vont se moquer de la barbe, qui vont se moquer du qamis, qui vont se moquer... Et voilà, et pour eux, c'est tout à fait normal. Ou ils vont combattre les gens pour ne pas appliquer cette sunna-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Tawba, « Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum testahzi'un, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. » Est-ce d'Allah, de son messager et de ses signes, de ses versets, que vous vous moquiez? Ne cherchez pas d'excuses, car vous avez mécru après avoir eu la foi. Vous avez mécru après avoir eu la foi, ceci concerne les musulmans. Et ne concerne pas les mécréants. Parce que les mécréants n'ont pas encore la foi. Mais le musulman a déjà la foi. Et c'est pour ça que les ulama ont dit que ça fait partie de nawaqid al-islam, les choses qui annulent l'islam. Se moquer d'une sunna, ou d'un verset, ou de quelque chose qui fait partie de la religion d'Allah. Se moquer de ça, ça annule l'islam. Et les conditions qu'on a vues, que la personne peut-être qu'elle est ignorante ou peut-être qu'elle a pas reçu la preuve ou peut-être, eh bien ces conditions-là ne fonctionnent pas pour ce verset. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la ta'tadiru, ne cherchez pas d'excuses. Ne cherchez pas d'excuses, ne cessez pas de dire, bah, je savais pas, voilà. Vous avez mécru après avoir eu la foi. C'est pour ça que c'est très dangereux et il faut aussi faire attention à ça, parce que ça fait partie des attributs des hypocrites. Oui. S'il est avec des gens qui détestent l'islam, il va se moquer de ceux qui suivent la sunna, par exemple. Et s'il est avec ceux qui suivent la sunna, il va avoir le même langage qu'eux. Donc sans s'en rendre compte, la personne est en train de se creuser son propre trou dans l'hypocrisie majeure. Amen. Qu'Allah nous en préserve, amen. Il y a même certains qui iront jusqu'à dire... On l'entend souvent ça, la foi c'est dans le cœur. Tu peux pas me juger. C'est pas ce que je suis. La foi c'est dans le cœur. C'est là-dedans. Ça me dit. Yani, comme il y a certaines femmes aussi qui vont dire que la foi et la crainte d'Allah est dans leur cœur. Et qu'on peut pas les juger. Mais pourtant cela ne l'empêche pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en refusant de se couvrir par exemple. Ça me dit. Donc si une personne dit ça, que ça c'est sa parole. Al-munafiq yukhalif qawluhu fi'lihi. L'hypocrite en fait va opposer sa parole et son action. C'est-à-dire ce qu'il va dire va opposer ce qu'il fait. Donc s'il dit qu'il a la foi ou qu'il craint Allah ou qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala mais n'applique pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé, eh bien cette personne-là se met dans les limites ou tombe dans l'hypocrisie majeure. Vous voyez le danger aussi? Parfois, il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. Donc, les hypocrites en tout lieu et tout temps combattent l'islam. Chacun selon leur capacité. Et on avait vu donc que النفاق الاعتقادي مخرج من الملة. Ça exclut l'islam. La personne n'est pas musulmane. Même si elle prie 5 fois par jour, elle dit qu'elle est musulmane ou quoi que ce soit. Mais si elle agit comme ça, et tu vois? Yani, chacun lui-même, s'il creuse un peu, il reste un peu seul, il se dit, tu vois, comment je suis, est-ce que j'ai le double langage? D'ailleurs, une fois, si je suis avec ceux-là, eh ben, je dis ça, et si je suis avec les autres, eh ben, je dis ça. T'as vu? ce qu'on avait dit, ça c'est une couleur et ça c'est une autre couleur. L'hypocrite, c'est comme le caméléon. Je disais, si tu le mets sur le tapis vert, il va devenir vert. Si tu le mets sur le tapis rouge, il va devenir rouge. Si je le mets sur mon manteau, il va devenir marron. Amenez. Donc, yani, il n'est jamais stable. Et donc, ça c'est pour le nifaq al-i'tiqadi. En ce qui concerne le nifaq al-amali, et je vais essayer de faire vite, Inch'Allah, pour terminer ce sujet pour aujourd'hui, comme ça on pourra commencer un autre sujet, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nifaq al-amali, l'hypocrisie en fait dans les actions. Il se peut que dans les cœurs de certains musulmans cohabitent la foi et l'hypocrisie. Ça peut arriver. L'hypocrisie que je parle mineure là. Mais cette personne qui meurt comme ça, elle reste pas éternellement en enfer. C'est Allah la fait rentrer en enfer. Parce que ça, ça fait partie des péchés majeurs. Donc comme on avait dit, une personne qui meurt avec un péché majeur sans s'être repenti, elle est tahtel mashi'a, selon le souhait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut lui pardonner par sa miséricorde, il lui pardonne. S'il veut la châtier par sa justice, il la châtiera. Okay. Donc la personne ne reste pas, si elle est châtiée en enfer, elle ne reste pas éternellement. Et si elle est châtiée, eh bien ce sera en fonction du degré de ce péché. Okay. Parmi les exemples de l'hypocrisie, l'amal dans l'action, c'est riya, l'ostentation. L'ostentation. Et en fait, riya mushtaq min ar-ru'ya. En fait, ça provient, yani la racine de ru'ya, ça veut dire la vue. Et la définition, en fait, du riya, c'est quoi? L'ostentation, la définition, c'est quoi? Donc, c'est talab al-manzila fi qulub al-khalq bi ira'ihim. C'est-à-dire que tu cherches en fait une position dans le cœur des gens, tout en étant vu. C'est-à-dire, par exemple, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné l'exemple, lorsque les compagnons, sahaba, radhiyallahu anhum, avaient dit, c'est quoi riya au messager d'Allah, l'ostentation, il a dit, c'est shirk al-asghar, le polythéisme majeur. Puis il explique en disant, c'est comme une personne qui rentre dans la mosquée, puis embellit sa prière. C'est pas pour Allah. C'est pour que les gens disent, Masha'Allah, je prie comme un savant. Amni. Ou je sais pas quoi. Yanni, tu vois le truc? C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu cherches? C'est-à-dire, lorsque tu veux faire une bonne action devant les gens, tu veux en fait avoir la position dans le cœur des gens. Pour que les gens aient cette position dans leur cœur, pour que comme ça, ils disent, ah ouais, lui, Masha'Allah, il est... Toi, ta niya, c'est ça. Donc, si l'intention, c'est ça, eh bien ça, ça fait partie de l'hypocrisie mineure. Nafaq avec Rabbi, subhanahu wa ta'ala. Parce que tu sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'observe constamment. Et tu sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى » Et ils n'ont été commandés, ordonnés, que de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sincèrement. Et hunafa, c'est quoi? Par le pur monothéisme. Ça veut dire que c'est pas mélangé avec un peu de riya, wallah, tu veux faire quelque chose pour les gens ou quoi que ce soit. Quoi que tu fasses, c'est pour Allah. C'est pour ça qu'il doit tout le temps renouveler son intention. Et c'est de là que ça provient l'ostentation. De ru'ya, la vue. Vouloir que les gens disent de toi. Mais les gens, ils ne te servent à rien. Wallah el-Azim, ils ne te servent à rien. Et qu'ils vont venir, ils vont faire semblant de pleurer ou je sais pas quoi, ils vont te mettre dans le trou, t'es fini. Ils vont même pas se rappeler toi dans une sajda. Oh Allah, arhamhu, wasi'alu fi qabri, urzqhu bil firdaws al-a'la. Ils vont même pas penser à ça. Parce qu'ils ont leur dunya à penser avant. Donc ça sert à quoi de vouloir chercher à plaire aux gens, wallah, pour que les gens disent de nous, voilà, je sais pas quoi. Fanny, ces gens-là, ils vont mourir. Et ils vont te servir à rien. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-hayy alladhi la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est vivant et qui ne meurt pas. Et que tu devras rendre des comptes devant lui, subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous retournerez devant Allah. Parce que si la personne elle est sincère, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'importe pas que les gens la voient ou ne la voient pas. Amen. Elle s'est renouvelée son intention, qu'elle fait que pour Allah. Elle se fiche s'il y a des gens à la drachno ou à la drachno. Elle fait que pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et celui en tout cas qui veut que les gens le voient, il faut mettre les points sur les i, il faut qu'on soit clair. Celui-là, il ne veut pas Allah. Il vient pour que les gens disent c'est quelqu'un qui vient. Wallah. Et le shaitan, il peut venir dans ce beb-là, dans cette porte-là. Si le shaitan, il voit que tu es quelqu'un de pieux, qui prie, qui salle, qui fait des bonnes actions, il va pas venir parce qu'il sait. Il va pas venir te pousser, vas-y, vends boîte de nuit ou va faire du truc haram ou quoi que ce soit. Il va pas te pousser dans ça. Il va venir dans la porte de l'adoration. Tu vas venir prier le Fajr? Et il va te faire le waswasa? Regarde, toi tu viens prier, un tel il n'est pas venu. Tu es mieux que lui. Et il y aura l'ujb an-nafs. Tu vas commencer à te sentir, je suis mieux que lui, moi. Moi au moins je viens. Tu vois? Tu te le dis à toi-même. Et ça, après, tu risques de tomber après dans des problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala et jusqu'à l'hypocrisie. A'udhu billah. Et dans la législation, fait shara. C'est quoi riya? Parce que là, on avait vu en fait une loura. Ça veut dire quoi? C'est talab al-manzila. Fi qulub al-khalq bi ara'ihim. C'est chercher la position dans le cœur des gens tout en étant vu. Ça, c'est dans le langage. Fi shara, dans la législation, c'est un yuf'al ta'a wa yatruk al-ma'siya. C'est-à-dire qu'il fait un acte d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et il délaisse une mauvaise action parce qu'il a vu que il y avait quelqu'un d'autre présent. Il ne va pas faire un péché. Il allait faire un péché, mathalan. Voilà, comme je disais hier avec l'histoire de la télé. Tu es en train de regarder la télé, tu vois des clips, tu vois des femmes, je sais pas quoi. Il y a un frère qui rentre, tac, tac, tu ouvres la chaîne, tu mets le Coran. Qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Tu as remarqué qu'il y a quelqu'un qui est venu? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as laissé ce péché-là. Pour qui? Pas pour Allah. Pour lui. Eh bien, ça, c'est le riyé. Et ça fait partie du shirk al-asrar. Et celui qui meurt sur ça sans s'être repenti de ça, il rentre en enfer. Il rentre en enfer. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, fi surat an-nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe quoi que ce soit, mais pardonne toute chose en dehors de ça. Et les ulama, ils ont dit que ça inclut le shirk al-akbar ou le shirk al-asghar. Donc si une personne fait du shirk al-asghar, elle rentre dans ça, dans cette menace-là qu'elle risque de rentrer en enfer. Jusqu'à qu'il y a même, il y a des gens qui vont pratiquer l'ostentation, même en étant seul. Même lorsqu'il n'y a personne qui les regarde. Il fait maintenant du qiyam al-lil, il allume la lumière, donc et ça, et il se dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va voir mon ombre par la fenêtre que je suis debout à cette heure-là. Subhanallah. Et voilà. Mais ça devient un marde en fait. Ça devient une maladie. Tu vois? Allah nous en préserve, Amin. Et donc l'ostentation, c'est une maladie dangereuse. Il se peut qu'une personne soit atteinte de ça, et elle n'est pas consciente, elle ne s'en rend même pas compte. Ibn Omar radiallahu anhu a dit que des personnes lui ont dit. Ça, c'était après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous voyons des gens, nous leur parlons de façon opposée à ce que l'on dit lorsque nous sortions de chez eux. Yani, lorsqu'on va voir des gens, ces gens-là avec qui on parle, on va dire des clèmes, mais lorsqu'on est en dehors, on va dire d'autres paroles qui opposent ce qu'on a dit avec eux. Qu'est-ce qu'il a répondu Abdallah ibn Omar radiallahu anhu? Il a dit, nous comptions ceci comme de l'hypocrisie du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est le double langage. Comme on va voir dans le hadith. Ce hadith-là, il est rapporté, ce affaire-là, de Abdallah ibn Omar radiallahu anhu, c'est rapporté par le Bukhari dans son sahih. Et l'hypocrite, il ne commande pas le bien. Il n'interdit pas le mal. Il va juste avec... Les gens, ils veulent entendre ça. Il va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Vous venez? Pourquoi? Pour continuer à plaire, ou avoir telle position, quoi que ce soit. Lui, son intérêt personnel, pour que les gens l'acceptent, quoi que ce soit. Eh bien non, vous voulez entendre ça, je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Amen. Eh bien ça fait partie des sifat al-munafiqin, et qu'Allah nous en préserve. Amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, la chose que je crains le plus pour vous, c'est shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Ils ont dit, qu'est-ce donc que le polythéisme mineur au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, riya, l'ostentation. Allah le Très-Haut, ensuite ça continue le hadith, Allah le Très-Haut dit le jour où il récompensera les gens pour leurs œuvres. ceux qui ont fait quelque chose, yani, qui ont fait du riyah, ils ont fait quelque chose pour que les gens disent d'eux, voilà, pour que les gens les voient. Hein? Et bien Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, allez voir ceux pour qui vous faisiez et agissez, et voyez s'ils peuvent vous récompenser. Et ce hadith est sahih, rapporté par Ahmed et l'imam al-Baroui dans Sharh al-Sunnah. Et ça, c'est la claire justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les gens faisaient tel ou tel acte pour qui? Pas pour Allah, mais pour les gens. Tu le fais pour lui? Eh ben vas-y. Jour de la résurrection, va voir s'il peut te récompenser. Un hadith qui est dans, en fait dans le livre, qui est rapporté par Abu Daoud et aussi dans le livre de l'imam Bukhari, qui est l'Adab al-Mufrad. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man kana lahu wajhan fi dunya, kana lahu yawm al-qiyama lisanan min nar. » Celui qui avait dans cette vie-là deux visages, eh bien, aura le jour de la résurrection deux langues de feu. Tant que châtiment, pourquoi? Parce que ça, ça fait partie aussi de l'hypocrisie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man samma'a, samma'a Allahu bih. » Al-Nawawi, rahimahullah, a dit pour la chette d'en fait qui est sur le mime, comme je disais tout à l'heure, c'est que cette personne-là a fait son possible pour que les gens entendent parler de ça, ou bien jusqu'à qu'il arrive à le voir en faisant ce truc-là. Il fait son possible pour qui? Pour les gens, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit aussi la différence entre riyah et sum'a. Riyah ou sum'a. Riyah, l'ostentation, ro'ya, que la personne donc qui fait une action pour que les gens la voient faire. Et sum'a, c'est l'audition, c'est faire une action pour que les gens entendent dire de toi. Tu vois? Et comment en fait on arrivait en fait, yani parce qu'on a parlé sur tout ça, tous ces points-là, comment on peut en arriver à un point que, yani, on peut essayer de combattre ces genres d'hypocrisie pour ne pas essayer de tomber dedans. Eh bien, la première chose à faire, c'est quoi? Ikhlas al-niyya lillah azza wa jal. C'est que dans chaque action que l'on fait, même lorsque tu aides un frère à porter son sac parce que c'est lourd, مثلاً, il a ses courses, tu l'aides, ça c'est une sadaqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Mais si tu renouvelles ton intention pour appliquer cette sunna, eh bien, tu l'as dit pas jahrat, parce que ça fait pas partie de la sunna, de le dire à haute voix. Mais ton intention, tu l'as fait dans ta tête, que tu renouvelles ton intention, que tu veux le faire pour Allah seul. Pas pour le frère, pour qu'il dise, c'est vraiment un frère qui est bien celui-là, il m'aide et tout. Parce que les gens, ils veulent, c'est pour que les gens disent d'eux qu'ils sont bien. Donc, il va essayer d'aider ça, il va aider ça. En apparence, c'est bien. Mais ce que cache le cœur, Allahu a'lam. Donc c'est pas parce que مثلاً, on voit des gens qui font des choses en apparence qui sont bien qu'automatiquement que cette personne là est bien. Si c'est un musulman, on doit pas douter, on doit pas essayer de douter, parce que inna ba'da dhann ithm, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-hujurat, parce qu'après le doute c'est le péché, on tombe dans le péché. Mais lorsque ce sont des non musulmans, c'est différent, c'est à dire une personne qui on voit faire des bonnes actions. Il y avait par exemple quelqu'un qui m'avait dit qu'il pouvait pas imaginer que Mère Teresa allait en enfer. Yani Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ad-din 'inda Allah al-islam. La religion qu'Allah accepte, c'est quoi? C'est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette même sourate Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Et celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. Et le jour de la résurrection, il sera parmi les plus grands perdants. Donc c'est pour ça, en apparence, ça fait de bonnes actions. Mais il pratiquait la plus grosse des injustices qui est le shirk billah, en adorant un homme sur une croix, en disant que c'était Isa alayhi salam, alors que c'est pas lui, on le sait, que Isa alayhi salam n'a ni été crucifié, ni été tué. Mais il a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont pris en fait un homme qui lui ressemblait. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'une personne qui pratique ce genre de shirk, qui pratique ce genre de truc, qui adore autre qu'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et ensuite, vous voyez que cette personne-là, en apparence, fait de bonnes actions. Eh bien, ça ne lui sert à rien. Ça ne lui sert à rien. Parce que qu'est-ce qui annule toutes les œuvres? C'est le shirk billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنَ الشَّرَكْتَ لَيَحْبِتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ. il a été révélé à toi, ô Muhammad. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, s'adresse directement au prophète. Il a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu fais, que tu pratiques n'importe quel type de polythéisme, tes actions seront vaines, elles ne seront pas acceptées. Et tu seras parmi les perdants. Les actions en fait s'annulent par le shirk. Si tu fais quelque chose pour autre qu'Allah, que tu adores autre qu'Allah, ou bien, bon ça exclut l'islam, mais par exemple tu veux embellir ta salette pour les frères. Tu veux, yani, parfois au bled ce qu'ils font, c'est qu'ils font, lorsqu'on donne, yani, pour donner de la sadaqa ou quoi que ce soit, ou pour les constructions de mosquées, un tel a donné 200 dinars. Qui c'est qui va donner? Et l'autre, il va donner 250 pour dire, voilà, j'en ai plus que lui. Pour que les gens disent, voilà, que j'en ai plus que lui. Donc tous ces trucs-là, eh bien, ça te fait tomber dans le rire. Même si tu donnes de l'argent, si toi, ton intention, elle a été sincère, que c'est pour Allah, alhamdoulilah, tu vois, tu gagneras ça dans ta tombe après la miséricorde d'Allah. Mais si tu donnes cet argent-là, pour, avec ton intention que les gens disent de toi que voilà, t'es le plus riche, t'es le plus beau, t'es le plus fort, Fabni, eh bien, tu perds dans cette vie-là et dans au-delà. Tu auras perdu de l'argent, parce que tu ne seras pas récompensé sur ça, Fabni. Et dans l'au-delà aussi, pourquoi? Parce que tu ne recevras pas la récompense. Lala, samahni, samahni. C'est clair. Tu ne recevras pas de récompense. Hein? Sinon on avertira inchallah. Donc ce qu'il y a, c'est que quoi qu'on l'on fasse, ça doit être tout le temps sincère pour Allah. Donc à chaque fois qu'on fait une action, on se renouvelle qu'on l'a fait pour Allah. Par exemple, même le siyam du lundi et jeudi, qui est une sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lundi parce que c'était un jour où j'étais né, et le jeudi, eh bien, c'est lorsque les œuvres sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'ai envie que mes œuvres soient élevées pendant que je sois en état de jeûne. Mais si une personne maintenant veut faire savoir les gens qu'elle jeûne le lundi et le jeudi, eh bien, tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que si j'accroche Hachak un mulet à un poteau et je ne lui donne pas à manger, il va jeûner. Lui, il ne recevra ni récompense ni rien du tout. Tu le mettras affamé. Hein? Eh bien, la personne aussi, elle se met affamée. Pourquoi? Parce qu'elle veut que les gens sachent qu'elle fait quelque chose. Elle ne fait pas pour Allah. Il y avait une anecdote qu'un des mashayikh avait mentionné sur un homme, toute sa vie, il jeûnait. Le lundi et le jeudi, sa femme n'était même pas au courant. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? C'est que dès qu'il sortait le matin, il cachait la nourriture qu'il emmenait avec lui. Et ce qu'il y avait, c'est que comme il allait dès le matin au travail et il revenait le soir, ce qu'il y avait, c'est qu'il rompt le jeûne, il mange un peu, il mange un peu, et après il va manger avec sa femme. Et la femme croit qu'en fait il n'a pas mangé. Tout ça pourquoi même sa femme, il ne veut pas qu'elle soit au courant. Et c'est comme ça, lorsqu'on se renouvelle l'intention, que quoi que l'on fasse, on l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour que les gens qui ne peuvent pas nous être bénéfiques de qu'on sera dans notre tombe, sous terre, pendant qu'ils vont continuer à vivre, tu vois, parce qu'il y a une période de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sait, eh bien, ça ne nous sert à rien ça. Donc si on se renouvelle l'intention qu'on l'a fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, tu gagnes cette action-là. Ça, c'est yani, un point, inshallah, qu'on doit inshallah, se rappeler et appliquer. Ça, on a vu, ça, on a vu. Et on va terminer en fait sur un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Je vais donner le sens du hadith, inshallah, où les trois premiers types de gens en fait ont entré en enfer. Trois premiers types de gens ont entré en enfer. Le prophète sallallahu a dit, je donne le sens, que les trois premiers types de gens à entrer en enfer le jour de la résurrection sont quelqu'un qui récite le Coran, un homme très riche et un combattant dans la santé d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dira à cette personne qui récite, connaît les versets du Coran, yani, ne t'ai-je pas appris, yani, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce ilm pour qu'il puisse réciter, pour qu'il puisse comprendre le Coran. Et donc, qu'est-ce que tu en as fait? Donc il a dit, voilà, yani, je le récitais, comme jour et nuit, et j'en faisais part aux gens, yani pour qu'ils ont un savoir dessus. Et Allah SWT répondra, tu voulais surtout que l'on dise, un tel est un savant et cela a été dit. Hania, c'était quoi? C'était pas un tarnatan, il va faire quelque chose ou bien il va réciter, voilà. Tu vois? Non, il veut que les gens disent, ah, oh, il connaît beaucoup du Coran, ou bien il récite trop bien, ou bien c'est ça qu'il avait, lui, Sania. Eh bien, cette personne-là, ce type de personne fera partie des premières personnes à entrer en enfer. Puis, celui qui était riche, yani, qu'est-ce que tu en as fait de cette richesse-là qu'Allah t'a donnée? Il répondra, eh bien, je l'ai dépensée pour toi, oh Allah. Et Allah lui dira, tu mens, Kazeb, mais tu l'as fait pour que on dise de toi, un tel est généreux. Il donne, il est généreux, il est mashallah, il a un cœur pour la religion, tout le temps il aide. Famille. Et celui qui a été tué dans le sentier d'Allah, eh bien, lorsque Allah le questionnera, qu'as-tu fait des bienfaits chez nous? Donc il répondra, voilà, je voulais combattre et puis avoir la récompense pour il meurt dans le sentier d'Allah. Et Allah lui répondra, Kazeb, tu as menti parce que tu voulais que l'on dise un tel est courageux et brave. Cela a été dit. Et ils seront jetés en enfer. C'est pour ça que, comme je disais aussi, c'est que quoi qu'on fasse, qu'on monte, ou à la désapparence, ou à la je sais pas quoi, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'on pense. Il sait ce qu'on va dire. Pourquoi on le fait, l'origine de ça, ça vient de quoi? Donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Et on ne peut rien cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut fuir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le truc c'est quoi? C'est que, ouais, il essaie en fait, on essaie tous de se rappeler ça et puis d'essayer de se corriger, tu vois, petit à petit, en essayant à chaque fois qu'on se renouvelle, que quoi qu'on fasse dans l'intention, elle doit être sincère pour Allah seul subhanahu wa ta'ala. Donc on a terminé avec ce sujet ça, sur les sifat al-munafiqin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.